Exercice 7, page 29. A. Il perd un temps fou. Transformer. Il perd un temps fou. B. Il part en vacances. Transformer. Ils partent en vacances. C. Elle dort à l'hôtel. Transformer. Elle dort à l'hôtel. D. Elle sort en famille. Transformer. Elle sort en famille.